nos habitudes aussi. Car on ne sait pas comment on sera demain. Au fond de moi, une petite boule a l'idée de fermer la porte. Tel le bateau pris dans la houle, j'ai peur de perdre mes repères, peur de m'égarer dans la foule, que l'inconnu soudain m'emporte. Mais ce matin, je vais pas trop fière. Ce matin, c'est le grand départ. J'ai des images plein la tête, des visages de rire et de fête qui nous attendent quelque part. Ce matin on ne parle pas trop, car on sait le chemin très lent. Ce chemin que moi, Mathéo, je redoute et rêve en dormant. Au fond de moi, une petite boule a l'idée de fermer la porte. Tel le bateau pris dans la houle, j'ai peur de perdre mes repères, peur de m'égarer dans la foule, que l'inconnu m'emporte. Mais ce matin, je vais pas trop fière. Ce matin, c'est le grand départ. Demain, je serai loin d'ici. Je suivrai l'école de la vie. Des étapes du soir, je découvrirai le pourquoi des choses et des gens oubliés, mais je ne vous oublierai pas, et plus riche je reviendrai. Petit bout à l'idée de fermer la porte. T'es le bateau pris dans la houle. J'ai peur de perdre mes repères, peur de m'égarer dans la foule, que l'inconnu soudain m'emporte. Mais ce matin, je vais pas trop fière. Au fond de moi, une petite boule à l'idée de l'inconnu soudain m'emporte. Mais ce matin, je vais pas